jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner. Voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay, voir leur corps se serrer, voir leur corps se serrer et saigner, oui saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour chat, un autre rat. Voici le cœur de la ville, bat en toi, et tu m'emmèneras. Emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts, on y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Pas que de peinture sur les murs, ont parfois la couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour j'irai là-bas. Un jour chat, un autre rat. Voici le cœur de la ville, part en toi, et tu m'emmèneras un jour. Jouer au chat, jouer au rat.